après que les poètes ont disparu. Hola, soy Andrés y eso es La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait. Otro grande de la canción francesa nos ha dejado desgraciadamente el 7 de noviembre pasado. No se trata de un intérprete, pero de un compositor. Francis Lai se murió a los 86 después de haber compuesto la música de unas 600 canciones y las bandas sonoras de unas 100 películas, llevándose un Oscar por la música de la película que todo el mundo conocemos, Love Story, en 1970. Creo que es de justicia rendirle un merecido homenaje. Nació en Niza de padres de origen italiano y su carrera empezó realmente cuando conoció a Edith Piaf y se convirtió en su acordeonista. A partir de ese momento empezó a componer para muchos cantantes y mediante su amigo común, Pierre Barou, conoció a Claude Lelouch, que le introdujo en el mundo del cine. Empezaremos con sus principios en los momentos de su colaboración con Piaf, con su canción L'homme de Berlin, El hombre de Berlín. Se da la casualidad, aunque no sea la única canción que compuso para ella, que esta canción que vamos a escuchar, fue la última canción que grabó Edith Piaf unos meses antes de su muerte. Una Piaf ya muy enferma. Es la historia de dos seres perdidos en la vida que se encuentran bajo la lluvia en Berlín. Bajo la lluvia que caía sobre él, él, el hombre de Berlín, estaba ahí. No he visto a nadie más extranjera en Berlín donde acababa de llegar. A mí me hace falta poco para creer que todo puede cambiar. Ya me veía quererlo toda la vida. Escuchemos L'homme de Berlin, cantado por Edith Piaf, de Francis Lai, la música del año 1963. Sous le ciel crasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin, dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit, il se tenait là, je n'ai vu que lui, lui, l'homme de Berlin, étrangère à Berlin, où je venais d'arriver. Il m'en faut peu pour croire dans la vie que tout peut changer, et pourquoi pas lui, lui, l'homme de Berlin. Je me voyais déjà aimé pour la vie, je recommençais tout, c'était avec lui, lui, l'homme de Berlin. Ne me parlez pas de hasard, de ciel ni de fatalité, de prochain retour ni d'espoir, de destin ni d'éternité. Ne me parlez pas de Berlin, puisque Berlin n'est rien pour moi. Ne me parlez pas de Berlin, même si Berlin, c'est tout pour moi. Sous le ciel crasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin, je l'ai pris pour l'amour, c'était un passant, une éternité de quelques instants, lui, l'homme de Berlin, car lui, l'homme c'est aussi l'oubli. Il est parti trop loin, car pour user sa vie, il n'y a pas que Berlin. Dans chaque visage, je ne vois que lui, et dans chaque nuit, je dors avec lui. Lui, l'homme de Berlin, sous quel ciel grasseux passe-t-il sa vie, et dans quel Berlin traîne-t-il sa vie? Lui, l'homme de Berlin. Mais y'a pas qu'un homme dans ce foutu pays, ici ou ailleurs, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, que lui, lui. En 1965, Claude Lelouch le pide à Francis Lai que le haga la musique de su próxima película. Será el principio de una larga y fructífera colaboración. La película se llamará Un homme, une femme, un hombre, una mujer, y se llevará el Oscar a la mejor película extranjera con la inolvidable actuación de Jean-Louis Trintignant y Anouk Aimée. Francis Lai era también candidato al Oscar por la canción de la película después de obtener el Golden Globe, pero se irá de vacío. Lo conseguirá 4 años después, como dije antes, con la música de Love Story. Esta canción se quedó en la memoria colectiva francesa por su pegadizo estribillo. Fue además la primera canción en francés a ser disco de oro en los Estados Unidos. Como nuestras voces cantan en voz baja, nuestros corazones ven como una suerte, como una esperanza. Una vez más, todo vuelve a empezar, tú y yo. La canta Nicole Croisille, que a pesar de su potente voz, no tuvo la carrera, en mi opinión, que se merecía después de sus éxitos en los 70 y se dedicó más plenamente a una carrera de actriz. La vamos a escuchar acompañada en vivo por el mismo Francis Lai, cuando en la película es Pierre Barou, su amigo que lo hace, que canta en la película, y además es el autor de la letra. Escuchemos la canción de la película Un homme, une femme, cantada por Nicole Croisille y Francis Lai, la música de Francis Lai del año 1966. Oh. Las intérpretes de Francis Lai es la gran Marie Laforêt, que escuchamos en este programa por primera vez. Compaginó toda su vida, desde los años 60, una carrera de actriz con la de cantante. Su época de más fama son los 60 y 70, dejándonos una canción que se han vuelto clásicas. Tiene 79 años, pero lleva 13 años alejada de los escenarios por problemas de salud. Vamos a escuchar Je voudrais tant que tu comprennes, quisiera tanto que entendieras, que cuenta la historia de una mujer que deja una relación pero no va a dejar de amar a esa persona. Quisiera que entendieras tú que voy a dejar esta noche, que se puede sentir pena, el corazón herido, sonreír todavía. Cuando acaba mal una historia, cantar con lágrimas en los ojos. Te quería más que a yo misma y no te puedo olvidar. Escuchemos Je voudrais tant que tu comprennes, cantado por Marie Laforêt del año 1966. Je voudrais tant que tu comprennes, toi que je vais quitter ce soir, que l'on peut avoir de la peine et sembler ne pas en avoir, le cœur blessé encore sourire, indifférent apparemment aux derniers mots qu'il faut écrire lorsque finit mal un roman. L'âme est perdue, sauver la face, chanter des larmes plein les yeux, et dans un univers de glace, donner l'impression d'être heureux. Je voudrais que tu comprennes, puisque notre amour va finir, que malgré tout, vois-tu, je t'aime et que j'ai mal en mourir. Malgré tout ce qui s'est passé, que je t'aimais plus que moi-même et que je ne peux t'oublier et que je ne peux. Thank you.

voyage vers d'autres éternités. Le ciel met des orages au bleu de son été. Lelouch comprenait también la banda sonora de L'aventure, c'est l'aventure. La aventura es la aventura. Película satírico-cómica de culto protagonizada por Lino Ventura y Jacques Brel. Dos bandidos que proyectan raptar a Johnny Hallyday, que interpreta su propio papel en la película y canta obviamente la canción de esta película que compuso Francis Lai. La aventura es la aventura, es como el amor, está en mí para siempre, es mi sol de medianoche, va más allá del bien y del mal. Escuchemos la canción de la película L'aventure, c'est l'aventure, cantada por Johnny Hallyday en el año 1972. L'aventure, c'est l'aventure, elle est là, qui vous attend un soir. Pas de pitié, il est trop tard, il faut gagner et oublier. Seul. Seguimos con el trío Francis Lay, Pierre Barou, Claude Lelouch, con Femme parmi les femmes, Mujer entre las mujeres. Canción de la película Si c'était à refaire, si había que volver a hacerlo. Magistralmente protagonizada por Catherine Deneuve e interpretada la canción por Françoise Hardy. Es la historia de una mujer que va a conocer a su hijo al salir de la cárcel después de 15 años. Y si el hombre fuera solo un ser humano perdido, vulnerable, que no tuviera que jugar más a Tarzán, que solo fuera para él una mujer entre las mujeres. No soy tu enemiga ni tu cosa. Salgamos librados de la idea de pecado. Escuchemos Femme parmi les femmes, canción de la película Si c'était à refaire, cantada por Françoise Hardy en el año 1976. Et si l'homme n'était pas un dieu vivant et qu'il s'accroche aux images d'avant, et s'il n'était qu'un être humain, perdu, vulnérable, inconstant, avec un cœur, des yeux, des mains, qu'il n'ait plus à jouer les Tarzans, et s'il ôtait sa panoplie, qu'enfin je ne sois plus pour lui rien qu'une femme parmi les femmes, rien qu'une femme. El marido de Françoise Hardy en esa época, Jacques Dutronc, también cantó con música de Francis Lay. Y además protagonizó una película de Lelouch actuando en Le Bon et les Méchants. El Bueno y los Malos, y llevándose todos los elogios de la crítica y del público. Es un forajido que en el momento de la ocupación de Francia por los nazis se deja de trapicheos con ellos y entra en la resistencia. No sabía nada, tomaba la vida como venía, era antes de la guerra, no había ni bueno ni malo. Hoy ya sé, hoy he hecho todo lo que los hombres debían de hacer, pero ¿nos seguimos queriendo como antes? Escuchemos la canción de la película La balade du bon et des méchants de Claude Lelouch, cantada por Jacques Dutronc el mismo año 1976. Je ne savais rien, ne connaissais rien. Je prenais la vie comme elle vient. J'ai pris ton amour comme vient le jour, sur un air de slow au balajo. C'était l'avant-guerre, parfum de naguère, en couleur sépia ou noir et blanc. C'était l'insouciance, parfum d'innocence, il n'y avait ni bon ni méchant. Dis que tu m'aimes, bien sûr que je t'aime, bien sûr que je t'aime. Quelle question sur les photos de ma jeunesse, une étrange tendresse, l'amour en noir et blanc. Aujourd'hui je sais, aujourd'hui j'ai fait tout ce que les hommes peuvent faire. Et l'on m'a trahi, et je t'ai trahi, sur un air de slow au bajo. Car c'était la guerre, parfum de mystère, avec dans la bouche de sang. Puis vient l'après-guerre, aux couleurs amères, c'est fini le temps des innocents. Dis, est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que je t'aime? Est-ce que nous nous aimons comme avant? Quand nous partions en promenade, en chantant la balade du bon et des Francis Lai ha sabido encontrar intérpretes del otro lado del Atlántico, en inglés y también en francés, en Quebec. Vamos a escuchar una de sus composiciones para Ginette Renaud, que allí en Canadá es toda una leyenda viva, pero que desgraciadamente no tiene su merecido reconocimiento en Europa. La canción se llama Être seul, estar sola. Estar sola no es hablar delante del espejo, ni dormir sola. en una cama para dos, es vivir con alguien que ya no te quiere, es ver en su mirada que ya no existes, es ya no compartir nada, es callarse para no aburrirle. Estoy sola, grito, rezo, lloro, pero ya no me escuchas, estoy sola. Escuchemos Être seul, cantada por Ginette Reynaud, en el año 1983. Ce n'est pas de se parler devant la glace, ni de s'endormir dans un lit à deux places, de frémir au moindre coup de téléphone, de guetter le bruit d'un pas qui résonne. Désormais l'indiffère, qu'on peut rire ou souffrir, rester partir, et pourquoi pas même mourir. Être seul, c'est vivre en étranger, ne plus rien partager. Être seul, c'est garder le silence de peur. Ces élans de tendresse, et vivre chaque jour le cœur plus lourd à l'ombre de l'ancien amour. C'est ton baiser qui se perd dans mes cheveux, c'est mon corps qui oublié devient. Un jour, c'est une nuit de plus qui passe, et ne laisse dans mon cœur aucune trace. Être seul, c'est vivre avec quelqu'un qui ne vous aime plus. Être seul, c'est voir dans son regard que l'on n'existe plus. Que tout ce qu'on peut faire, désormais l'indiffère. Qu'on peut rire ou souffrir, rester partir, et pourquoi pas même mourir. Je suis seule, je crie, je prie, je pleure. Aznavour escribió y compuso la mayoría de sus canciones, pero Francis le ha compuesto algunas. Vamos a escuchar Je n'attendais que toi, solo te esperaba a ti. Solo te esperaba a ti, yo, cigarra en amor, el corazón a la deriva, amando al día. para decirte mil veces que eres la más guapa, para convertirme en tu rey. Cuando llegaste, solo tuviste que sonreírme. Conocí la alegría de amar como se respira. Escuchemos Je n'attendais que toi, cantada por Charles Aznavour en el año 1983. Je n'attendais que toi, moi cigale en amour, le cœur à la dérive. Aimant au jour le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. Je n'attendais que toi pour fleurir mes saisons de phrases éternelles. Et dans un tourbillon me dire mille fois que je suis la plus belle. Viens, serre-moi très fort, blotti entre tes bras, je serai sur ton corps comme un noyau qui craque. Au printemps découvert, mes rires en éclats résonneront dans l'air comme un drapeau qui claque. Je n'attendais que toi en cherchant dans l'espoir la force de survivre. Quand mon cœur était noir, que mon âme avait froid pour commencer à vivre. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, moi rêvant d'absolu, de choses impossibles. Moi venant de la rue qui espérait mon roi, ce héros invincible. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, quand tu es arrivé, tu n'as eu qu'un sourire. Tout s'est illuminé, j'ai connu la joie d'aimer comme on rêve. Que toi, espérant nuit et jour, qu'enfin mes joies s'abreuvent aux sources de ta vie pour y puiser ma foi et me réveiller neuve. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Se me olvidó decir que cantaba acompañado con Mamma Mia Tekilsky. Y terminaremos con una cantante que tuvo sus horas de gloria en los 70 y 80, Linda de Sousa. Nació en Portugal, vive en Francia desde hace 50 años y es la primera voz de la inmigración portuguesa en Francia, cantando alternativamente, quería decir, en sus dos lenguas, el francés y el portugués, a veces a ritmo de fado. Escucharemos Blessé peut-être, Herido quizás. Herido quizás, pero no muerto. Mi corazón se lo cree todavía. No tengo miedo al mal de amores. Vuelvo a las andadas. Se lo dice a su chico. Vuelva hacia mí cuando quieras. Te abriré siempre los brazos. Podéis volver a escuchar este programa en radiopolisradio.blogspot.com.es y también en Facebook de Radio Polis La Chanson. Y no quería acabar este programa sin dedicarlo a mi padre, que nos ha dejado. Blessé peut-être, mais pas mort. Mon cœur y croit encore. Je n'ai pas peur du mal d'amour. Je recommencerai. Blessé peut-être, c'est d'accord. Mais sans regret, mais sans remords. Reviens vers moi quand tu voudras. Je t'ouvrirai toujours les bras. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. Pour être heureuse à ce point-là, je referai n'importe quoi. Blessé peut-être, mais pas mort. Mon cœur y croit, même s'il a tort. Les quais de gare font bien qu'un jour ça serve enfin pour un retour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. À ce point-là, je referai n'importe quoi. Mais pas mort. Mon cœur y croit encore. Je n'ai pas peur du mal d'amour. Je recommencerai. We'll be right back. pas mort. Blessé peut-être, c'est d'accord. Blessé peut-être, mais pas mort.